Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le mardi 16 mars 2021, il est un peu plus de 14h, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Guémozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Guillaume Hans de l'association AMI, qui est là pour nous parler, entre autres, de l'association AMI, mais aussi, bien sûr, du partenariat qu'il existe entre l'association AMI d'Épinal et la librairie de livres d'occasion Recyclivre de Strasbourg. Bonjour Guillaume. Bonjour Chris. Comment ça va ? Très bien, et vous-même ? Ça va bien, merci. Donc, tout d'abord, je pose la même première question à toutes mes invitées et à tous mes invités. Nos auditeurs et nos auditrices se sont donc habitués. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bon, alors, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Guémozo. Je suis Guillaume Hans et je suis coordinateur technique de l'association AMI à Épinal, au quartier de la Madeleine. Et voilà, je travaille chez AMI depuis 5 ans maintenant. D'accord. Donc nous sommes ici, comme je l'ai annoncé en introduction, pour parler de l'association AMI et du partenariat qu'il existe entre l'association AMI et Recyclivre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, en quelques mots, qu'est-ce que l'association AMI ? Alors l'association AMI, c'est un chantier d'insertion qui a été créé en 1986, qui est en fait une émanation de l'association Le Renouveau, qui était... qui a été créé à la base en fait dans les années 80 pour accueillir et loger surtout les personnes qui sortaient de prison. D'accord. Voilà, donc c'est un centre d'hébergement à la base et puis rapidement apparu le besoin en fait de loger ces outre de loger ces personnes, bah, de leur trouver du travail, de les réinsérer dans la vie professionnelle, et l'association AMI est donc née du renouveau pour pouvoir permettre cette réinsertion dans la vie professionnelle de ces personnes-là. Aujourd'hui, AMI a bien évolué et est un chantier d'insertion qui reçoit tout type de personnes en situation d'insertion. Donc ça va du travailleur handicapé à la personne qui n'a pas travaillé depuis de nombreuses années, aux jeunes qui n'ont pour la plupart pas beaucoup d'expérience en dehors de quelques stages, des femmes aussi qui ont pu consacrer une partie de leur vie à l'éducation de leurs enfants par exemple, et qui une fois qu'ils sont grands, bah, souhaitent reprendre contact avec la vie et le monde du travail. Voilà. D'accord. Depuis combien de temps, pardon, l'association AMI existe-t-elle ? Car il me semble savoir que l'association AMI existe depuis quelques décennies maintenant. Mais depuis 1986, exactement. Donc ça fait 35 ans, si je vous ai... Voilà, c'est ça. Si j'arrive à calculer. Du coup, si mes renseignements sont bons, actuellement, l'association AMI se situe à l'adresse 16 quartier de la Magdeleine, 88 000 Épinal, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Mais a-t-elle toujours été à cette adresse ou a-t-elle déménagé en plus de 30 ans d'existence ? Alors effectivement, au départ, elle n'était pas dans ses locaux. Alors les locaux, pour situer, et pour les gens qui connaissent un peu Épinal, sont les anciens locaux de la caserne Schneider, donc qui était une caserne militaire, qui a cessé son activité. Et donc aujourd'hui, nous occupons une partie des locaux de l'ancienne caserne Schneider, derrière la maison des associations, donc qui se situe juste derrière la gare d'Épinal, en fait. D'accord, oui, donc voilà. C'est assez facile à trouver l'association AMI, du coup. Tout à fait, oui, c'est proche de la gare, c'est desservi par les lignes de bus, etc., donc très simple de s'y rendre, effectivement. D'accord. Donc, à 14h05, avant de poursuivre et d'entrer encore plus en détail dans tout ça, je vous propose que nous nous lancions tout de suite dans une première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier son que vous avez choisi, et oui, que nous écoutions un titre plutôt folk-rock datant de 1975, intitulé « Wish You Were Here » du célèbre groupe Pink Floyd. Donc, est-ce que ça vous va qu'on écoute ce titre ?

Pink Floyd avec leur son Wish You Were Here. Oui. Donc, pourquoi avoir choisi, j'aime bien poser cette question à mes invités, pourquoi avoir choisi cette chanson de Pink Floyd? Oh, ben moi, c'est un groupe qui me touche particulièrement. J'ai été élevé au Pink Floyd notamment, mais aussi au Genesis, Yes, toute la vague de rock progressif des années 70. Donc, c'était un petit clin d'œil pour mon papa aussi. Voilà. D'accord. Donc, nous allons reprendre le fil de cette émission en espérant que nous n'aurons plus de problèmes techniques. Oui. Donc, nous l'avons un petit peu dit en introduction, l'association Amis d'Épinal œuvre dans des filières de revalorisation des déchets pour réduire l'enfouissement ou l'incinération pardon, des déchets ménagers à la charge des collectivités. C'est bien ça? C'est bien ça. En fait, l'association Amis porte les activités d'une recyclerie. Donc, effectivement, le but premier, c'est de réduire l'impact sur l'environnement en réemployant les objets mobiliers ou autres qui peuvent l'être, et puis en recyclant aussi toutes les matières qui sont possibles de l'être aujourd'hui, notamment grâce à des filières qu'on appelle des filières REP. C'est l'écotaxe, par exemple, que vous réglez quand vous achetez un appareil électroménager ou un meuble aujourd'hui, qui permet de financer ces filières qui œuvrent dans le recyclage des objets qui sont arrivés en fin de vie. Donc, à la fois, on essaye de favoriser le réemploi à travers trois surfaces de vente, pour ce qui concerne Amis, au quartier de la Madeleine, mais aussi sur le plateau de la Justice, avec la boutique Avrin Style, qui est une friperie, et dans la rue des Minimes à Épinal, avec l'Effet d'Amis, qui est également une friperie, mais un petit peu plus haut de gamme, et qui vend aussi des objets de brocante. D'accord. Donc, en tant que recyclerie, j'imagine que l'association Amis donc elle récolte beaucoup de déchets. Donc combien à peu près de déchets en tout genre de kilos l'association Amis recycle-t-elle par an, on va dire? Alors on parle pas de kilos, on parle carrément de tonnes. D'accord. Et en l'occurrence c'est un chiffre qui est assez important, puisque en moyenne il y a environ 500 tonnes de matière qui partent vers les exutoires pour être recyclées tous les ans. Voilà. D'accord. Ah oui, ça fait un bon paquet de déchets. Effectivement, oui, ça fait beaucoup. On a des équipes qui travaillent à ça tous les jours. Donc j'en profite en même temps pour saluer le travail de ces équipes, puisque tout passe dans leurs mains. Hein, donc 500 tonnes, c'est uniquement le flux sortant. Il y a tout le flux entrant qui va passer ensuite dans nos magasins. Là, pour le coup, j'ai pas de données chiffrées, mais ça représente au moins autant. Donc voilà. Bravo à eux, en tout cas. En effet, oui, ça représente beaucoup de déchets, en effet. Donc, l'association Amis fait aussi office de chantier d'insertion? Bien sûr. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, toute personne en situation d'insertion, donc ça peut être, c'est souvent des freins sociaux. Les personnes qui arrivent chez nous sont souvent des gens qui ont connu des accidents de la vie, des accidents de parcours, qui ont des problématiques sociales qui nous appartient de prendre en compte et d'essayer de régler pendant leur parcours chez nous, qui peut aller d'une durée de 4 mois initialement. C'est des contrats CDDI, contrats à durée d'insertion que nous proposons. Donc la durée initiale est de 4 mois, et elle peut aller jusqu'à 24 mois. D'accord. Au maximum. Donc pendant la durée de passage, qui en moyenne est quand même de 1 an environ, notre mission est d'accompagner ces personnes à lever les freins qui sont les leurs, qui peuvent être des freins de logement, de mobilité, de budget ou tout autre qui les empêche de réaccéder à l'emploi de façon pérenne, voilà, à l'emploi durable. D'accord. Donc, est-ce que vous, je suppose que oui, mais est-ce que vous connaissez à peu près le nombre de personnes en situation d'insertion que l'association Amis accueille? Alors, on est conventionné, hein, c'est un conventionnement qui est délivré par l'État. Actuellement, on est conventionné pour 69,9 équivalents temps plein, puisque nous proposons des contrats CDDI qui sont d'une durée de 26 heures. Hebdomadaire, donc 69,9 équivalents temps plein, ça fait environ 90-95 salariés qui travaillent chez Amis toute l'année. D'accord. Plus qu'un salarié permanent qui sont là pour pouvoir les encadrer, les accompagner et puis gérer toutes les tâches administratives qui ont trait à une grande équipe comme celle-là. D'accord, oui, donc chez AMI, vous êtes à peu près du coup 110 personnes. Oui, voilà, à peu près, 110, 115, c'est un peu variable, parce que la spécificité des contrats qu'on propose, c'est de pouvoir les arrêter du jour au lendemain, c'est-à-dire que quelqu'un qui trouve un job peut être libéré dès le lendemain pour pouvoir y aller. Hein. Le but, c'est d'être vraiment facilitant dans la reprise d'une activité dans le milieu classique. Donc voilà, il y a des sorties des fois qui se cumulent et qui font qu'on peut descendre en dessous de ce nombre, mais voilà, au maximum on va être environ 110, 115 personnes en ce moment à travailler chez AMI. D'accord. Donc j'imagine que pour bénéficier d'un accompagnement par l'association AMI, il y a des conditions à remplir. Oui, tout à fait. Alors jusqu'à peu, c'était Pôle emploi qui délivrait un agrément, ce fameux agrément d'une durée maximum de 2 ans. Depuis la fin de l'année 2020, un nouveau système a été mis en place. C'est une plateforme numérique qui s'appelle la plateforme de l'inclusion, qui permet aux personnes souhaitant candidater chez nous de déposer leur CV et leur lettre de motivation. D'accord. Et de postuler sur un des postes que nous proposons et qui sont tous détaillés sur cette fameuse plateforme. Et ensuite, au regard de la situation dans laquelle il se trouve, l'agrément va pouvoir être délivré et voilà. Et donc ils pourront intégrer nos effectifs à la suite de cette candidature. D'accord, donc justement vous parlez des postes proposés chez AMI, donc j'imagine qu'il y en a un certain nombre. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être 2 ou 3 des postes proposés ou pas? Bien sûr, alors effectivement c'est AMI, c'est l'acronyme de Activité Multiple d'Insertion. Donc effectivement, c'est dit dans le titre, les activités sont multiples. On a des activités de collecte, de valorisation, de vente, d'entretien des locaux, donc on a des agents d'entretien des locaux, mais dans le cadre de la recyclerie, on a aussi un réparateur vélo, par exemple, un testeur électro, on a des agents qui partent en collecte pour débarrasser des maisons ou des entreprises, voilà, par exemple. D'accord, donc justement, chaque salarié, que ce soit en CDDI ou au salarié permanent, enfin, on va plutôt s'intéresser aux salariés en CDDI. Comment se passe l'attribution des postes? Est-ce que c'est le salarié en CDDI qui choisit sur quel poste il veut aller, ou est-ce que c'est vous ou Pôle emploi, par exemple, qui envoie cette personne sur tel ou tel poste? Alors non, c'est pas le salarié qui choisit, puisque nous, en fait, on va proposer une offre à chaque fois qu'on a un salarié qui va sortir d'un atelier. Je prends l'exemple de l'atelier vélo. Le réparateur vélo en poste actuellement trouve un job ou une formation sur laquelle il va entrer la semaine prochaine. On va proposer une offre d'emploi pour réparateur vélo. Voilà. Donc à ce moment-là, postuleront les gens qui souhaitent se positionner sur cet atelier-là. D'accord. Alors, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des compétences dans la réparation de vélo pour postuler sur cet atelier. Maintenant, c'est toujours un plus, hein, évidemment. Cela dit, voilà, ça arrive aussi que des personnes qui n'ont pas du tout de compétences dans le domaine pour lequel l'annonce est posée postulent et soient embauchées. D'accord. Oui, donc ça dépend peut-être des compétences de chacun. Des compétences, alors qu'elles soient professionnelles par le passé ou parfois simplement dans la vie privée, quelqu'un qui pratique la mécanique en guise de loisir peut très bien se positionner sur cette offre-là, par exemple, puisque du coup il va avoir une appétence et une affinité particulière avec la mécanique de manière générale. Donc la réparation vélo, c'est de la mécanique aussi. D'accord, oui, bien sûr, oui. Donc, avant d'aller plus loin, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une deuxième fréquence, dans un deuxième son que vous avez choisi une nouvelle fois, et que nous écoutions une petite chanson pop en portugais intitulée Grito de Jorge. J'espère que je prononce bien. Donc, on est... Amalia Hoje. Pardon, Hoje. Excusez-moi. Donc, il n'y a pas de mal. On écoute Amalia Hodge avec Grito. Et du coup, on se retrouve juste après cette chanson, du coup, d'ici un peu plus de 5 minutes, normalement. Donc, à tout de suite sur Radio Guémozo. Um grito que o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco de sombra a sombra. Há um céu tão recolhido de sombra a sombra. vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Nous sommes toujours en direct. Il est 14h34. Une nouvelle fois, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Guillaume Hans de l'association Amis d'Épinal, qui est venu nous parler, entre autres, de l'association Amis, mais aussi du partenariat qui existe entre l'association et la librairie de livres d'occasion dont on parlera un petit peu plus tard, Recyclivre de Strasbourg. Ça va toujours ? Impeccable. Nickel. Donc, nous venons d'écouter donc Oge avec Grito. Donc, oui. Même question que tout à l'heure, pourquoi avoir choisi cette chanson de Oge ? Alors, en fait, c'est un peu particulier, puisque c'est un groupe qui s'est formé en hommage à Amalia Rodriguez, qui est une chanteuse de fado portugais. Donc un groupe qui a voulu remettre un petit peu au goût du jour cet artiste qui était vraiment une star dans son pays. Et le chanteur qui interprète Grito est chanteur du groupe Moonspell, qui est un groupe de métal portugais que j'affectionne particulièrement et qui a souhaité prendre part à ce projet qui met à l'honneur le patrimoine portugais. J'ai trouvé que c'était une ouverture d'esprit musicale qui était très intéressante et j'apprécie beaucoup. Oui, puis ça fait du bien, je trouve, d'entendre un petit peu de chansons portugaises sur les radios françaises, car on n'en entend pas énormément. Et ben voilà, c'était l'occasion de faire connaître ce beau projet aux auditeurs de Radio Gemozo, en tout cas. Et ben, je pense qu'ils iront écouter après l'émission. Donc, j'espère. On espère aussi, au pire, ils nous envoient un petit message sur notre page Facebook et puis on les guide vers la chanson-là. Voilà. Du coup, l'association AMI aide aussi à accéder à une formation de remise à niveau, des savoirs de base, formation qualifiante, à un emploi, donc intérim, CDD, CDI, etc., PM, SMP, visite d'entreprise, rencontre avec des intervenants en lien avec les métiers porteurs, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors là, on est plus sur le travail d'accompagnement donc de nos accompagnatrices socio-professionnelles qui vont proposer à chaque salarié en contrat un accompagnement personnalisé pour effectivement reprendre pied et contact avec le monde de l'emploi. Donc à travers effectivement des stages de découverte en entreprise quand un projet est déjà défini ou qu'il est en cours de définition pour essayer d'aller se tester sur le terrain réellement et savoir si ça convient effectivement aux salariés, si c'est l'idée qui se faisait du métier par exemple ou pas du tout. Donc ça permet de valider ou d'invalider certains projets. Et puis il y a un lien permanent qui est fait avec le tissu d'entreprises locaux pour pouvoir justement effectuer ces stages, mais aussi pouvoir définir des projets à travers des formations dans les métiers qui ont besoin de main-d'œuvre et de recruter. Je pense par exemple à tout ce qui est développement de la fibre optique en ce moment. Donc c'est un métier qui recrute beaucoup. Donc charge à nos accompagnatrices de faire le lien avec les centres de formation qui proposent des formations adaptées pour pouvoir intégrer ce type de métier si c'est le projet de nos salariés. Voilà. D'accord. Donc nous avons cité du coup quelques acronymes dont certains sont plutôt connus, donc CDD, contrat à durée déterminée, CDDI, oui. Contrat d'insertion à durée indéterminée, me semble. Contrat à durée déterminée d'insertion, voilà. C'est ça. Et CDI, du coup, contrat à durée indéterminée. Mais oui. qu'est-ce que veulent dire pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne le sauraient pas les initiales PMSMP ? Alors, c'est période de mise en situation en milieu professionnel. D'accord. Et donc, ces PMSMP, elles durent combien de temps en moyenne ? En général, 15 jours. D'accord. Voilà, pour se laisser quand même un temps assez conséquent pour pouvoir vraiment voir ce qu'il y a à voir dans le métier concerné. Voilà, une semaine, c'est un peu court, donc en général, c'est des périodes de 15 jours. D'accord. Et donc, dans tout cela, l'association AMI aide également à travailler du coup sur les techniques de recherche d'emploi, comme par exemple faire un CV, une lettre de motivation, tout ça ? Tout à fait. Alors, il y a des ateliers qui sont organisés par une de nos accompagnatrices qui permettent justement de travailler ces questions-là, de travailler les entretiens téléphoniques, les entretiens d'embauche, la remise à niveau de son CV ou sa lettre de motivation aussi. Mais... D'accord. Ensuite, du coup, l'association AMI organise également plusieurs animations pour, je cite, c'est ce que j'ai vu sur les documents que vous m'avez envoyés en amont de cette émission, créer et s'amuser en réduisant ses déchets. Fin de citation. Quelles sont ces différentes animations pour créer et s'amuser en réduisant ses déchets? Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, par exemple, comment réutiliser des vieux t-shirts. Les vieux t-shirts qu'on a dans ses armoires et dont on ne sait plus quoi faire, hein, plutôt que de les mettre à la poubelle, tout simplement, voire au recyclage, c'est les réutiliser pour les transformer en sacs, pour les transformer à ce qu'on appelle le trapilo, qui est une qui est un t-shirt qui est réduit en lamelles, qu'on va pouvoir ensuite tisser entre elles pour pouvoir réaliser des carrés éponges, par exemple, qu'on appelle du tawashi, qui est une éponge qui est lavable et réutilisable, évidemment. Voilà, ce genre de choses, par exemple. Oui, donc on trouve vraiment ici là, l'objectif de l'association AMI de donner une seconde vie à ce qu'on a, que ce soit dans nos armoires, dans nos tiroirs, etc. Exactement, c'est transformer, quand ce n'est pas réutilisable en tant que tel, transformer les produits, les customiser. On a aussi un atelier couture qui récupère des vêtements qui sont parfois abîmés, dont une pièce est abîmée, par exemple une manche de veste, et qui va réutiliser les canevas de nos grands-mères pour pouvoir reconstituer une manche à cette veste et puis lui donner un look complètement fou. En effet. Ok. Du coup, donc l'association AMI, donc comme on dit, ça travaille sur tout ça. Mais l'association AMI a également un magasin brocante friperie dont on a un petit peu parlé auparavant, tout simplement. Oui, oui. Donc, quels sont les horaires d'ouverture de ce magasin si nous voulons nous y rendre et que pouvons-nous y trouver dans ce magasin? Alors, pour faire simple, vous pouvez y trouver tout ce qu'on trouve dans une maison, de la cave au grenier, voilà. D'accord. Puisqu'on débarrasse des maisons entièrement, donc vous pouvez y trouver de la vaisselle, des produits électroménagers, du mobilier, des produits culturels, dont les livres, on va en parler un petit peu plus tard. Voilà, de la friperie, des vêtements hommes, femmes, enfants, du linge de maison, aussi du matériel de puériculture, des poussettes, des cosy pour les petits bébés, du mobilier de jardin, voilà, de l'outillage, tout ce qu'il faut pour les animaux, les petits animaux de compagnie qu'on a à la maison, les cages, les gamelles pour les chiens, les chats, etc. Voilà, vraiment de tout. Et c'est un magasin qui est ouvert donc les mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 9h à midi et de 14h à 17h30. D'accord, ok. Donc, comme nous l'avons dit tout au long de cette émission, nous allons... Tout de suite après une autre pause musicale, parler du partenariat entre l'association AMI et la librairie de livres d'occasion Recyclivre. Oui. Donc nous allons parler de ça juste après avoir écouté un autre son que vous avez choisi, cette fois une chanson espagnole. Après le portugais, on passe à l'espagnol avec Lassa, ou Liassa, je ne sais plus comment on dit. Lassa, oui. Lassa, et son titre, El Pájaro. Excusez-moi, voilà. C'est ça. Une petite chanson espagnole. Comme je l'ai dit, c'est bien, du coup, parce qu'on voyage dans cette émission, que ce soit en France, au Portugal, en Espagne ou aux États-Unis. Voilà, Radio Guimoso, c'est ça aussi, c'est le voyage. Donc, on écoute Lassa avec El Pájaro et on se retrouve juste après, d'ici, on va dire, un petit peu moins de 4 minutes. Donc, à tout de suite. Mírenme a la vida, vuelvo ya. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Lassa de Sela avec son titre El Pájaro, tiré de son album, donc déjà titre datant de 1997, et tiré de son album La Llorona, que l'on pourrait traduire par La femme qui pleure, et El Pájaro, que l'on pourrait traduire par L'oiseau. Voilà, c'était le petit cours de linguistique. Donc nous sommes toujours en compagnie, vous êtes toujours en direct d'ailleurs sur le 107FM, il est 14h48, vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou sur la route, si c'est le cas, bien sûr, soyez prudents, et nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Hans, qui est là pour nous parler de l'association Amis d'Épinal, mais aussi du partenariat qui existe entre l'association Amis et la librairie de livres d'occasion Recyclivre de Strasbourg. Ça va toujours ? Oui, impeccable. Nickel. Donc, vous êtes habitué désormais, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, pourquoi avoir choisi cette chanson El Pájaro de Lassa ? Alors, c'est un morceau qui me touche particulièrement, moi qui ai une culture musicale plutôt axée sur le rock. D'accord. Mais j'ai aussi une affinité particulière pour tout ce qui est musique folklorique, musique du monde, le jazz également. Et voilà, La Llorona, c'est un album qui m'a marqué, que j'aime beaucoup. Et c'est une artiste qui est très touchante, qui est disparue très précocement, à 37 ans seulement. Donc oui. Voilà, j'aime à faire découvrir aussi la musique de cet artiste. Ok, bah nickel. Donc comme annoncé avant cette pause musicale, nous allons désormais nous intéresser dans les 10 minutes qui nous restent, nous allons du coup nous intéresser davantage à ce fameux partenariat. Donc comment s'est-il mis en place ? Quel organisme a contacté l'autre organisme afin de mettre en place ce partenariat ? Alors c'est un partenariat qui s'est mis en place fin 2017 en fait, pour la simple et bonne raison que l'association Amis collecte toutes sortes de matières et d'objets. Et le livre est un gisement que nous avons vraiment en quantité importante. Il y a des livres dans toutes les maisons et on en avait vraiment un volume très très important que nous ne parvenions pas à faire à écouler à travers nos différentes boutiques complètement. C'était embêtant finalement de se dire qu'on mettait beaucoup de livres au recyclage, le livre, voilà, le produit culturel par excellence. Donc, moi, j'ai une affinité aussi particulière avec le livre. Donc, je cherchais une solution pour pouvoir valoriser encore mieux et sauvegarder aussi tout un patrimoine livresque. Et voilà, donc je me suis mis en relation avec Recyclivre, qui est une entreprise de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui partage des valeurs communes avec Amis, puisqu'en fait, le partenariat permet, et le fonctionnement de l'entreprise permet de lutter contre l'illettrisme, notamment en subventionnant des associations qui développent l'apprentissage de la lecture. Donc, je me suis mis en relation avec Charlie Carle, qui est toujours notre interlocuteur, pour qu'il vienne nous rendre visite et puis voir ce qu'on pouvait construire ensemble et monter ensemble. Il est venu me rendre visite donc fin 2017 et nous avons conclu ce partenariat dans la foulée très vite. Voilà. D'accord, oui, d'ailleurs Charlie Carle, que l'on salue car c'est également lui qui nous a mis en contact pour cette émission. Tout à fait, voilà, on lui fait un petit coucou. Très très sympa Charlie et il m'a dit qu'il écouterait le podcast avec plaisir. Eh ben nickel, il sera disponible soit plus tard dans la journée ou demain quand j'aurai enlevé, parce que je vais quand même faire un petit montage malheureusement, même si c'est du direct, pour enlever quand ça a coupé tout simplement. La petite coupure, oui, voilà. C'est ça. Donc pour expliquer un petit peu le principe de Recyclivre, Recyclivre et Recyclivre.com, c'est un site internet de vente de livres d'occasion original qui crée un lien solidaire entre ses clients et les populations défavorisées. Car, comme c'est marqué sur leur site, le dessin d'un livre dont on souhaite se séparer n'est ni la cave, ni la poubelle jaune, ni la déchetterie. Donc, bien sûr, Recyclivre offre en particulier aux entreprises, aux collectivités et aux associations un service gratuit de récupération de livres d'occasion et leur donne une deuxième vie en les proposant à la vente sur Internet. Donc voilà un peu dans les grandes lignes, et je ne l'ai pas mentionné, mais à savoir que sur le site de Recyclivre, les livres sont vraiment à un prix très très abordable. Très abordable, ce qui permet aussi pour les personnes, et elles sont de plus en plus nombreuses, et tant mieux, qui souhaitent changer un petit peu leur mode de consommation, de pouvoir le faire ben voilà, en favorisant le réemploi à un tarif qui est très très attractif effectivement, et ben, qui permet justement de, alors à la fois de lutter contre l'illettrisme, mais en même temps ben, de favoriser aussi l'action d'associations comme la nôtre. Donc c'est un partenariat que j'appelle gagnant-gagnant, puisque tout le monde s'y retrouve. L'association, le site Recyclivre, et puis le consommateur au bout de la chaîne qui peut acquérir des ouvrages à un prix très intéressant et permettre de donner une deuxième, une troisième, une quatrième, et qui sait plus, vie à un ouvrage. Voilà. En effet, et oui, donc pour un petit peu éclairer nos auditeurs, quand on parle de prix très très abordables, c'est vraiment des ouvrages qu'on peut trouver par exemple à 20 euros dans le commerce. Ici, sur Recyclivre, enfin à Recyclivre, il y a les livres à 4 euros, 5 euros. Donc c'est vraiment effectivement des grandes économies pour supporter tout simplement la lecture du livre papier. Exactement. Alors, pour donner quelques chiffres par rapport à ce partenariat, parce que c'est important et il faut que, aussi que les auditeurs se rendent compte, depuis qu'il a été mis en place fin 2017, c'est plus de 25 000 livres qui sont passés par chez Ami et arrivés chez Recyclivre, qui ont été mis en vente sur leur site. Et sur ces 25 000 livres que nous leur avons envoyés, il y en a déjà un peu plus de 16 000 qui ont été vendus sur leur site. Donc voilà, c'est important. Ça fait beaucoup de palettes de livres qui sont partis chez Recyclivre. Et c'est tant mieux pour nous, puisque la particularité, en fait, c'est que le Recyclivre nous fournit un petit logiciel qui nous permet, qui nous fait une aide à la décision, en fait, à savoir si eux prennent le livre, s'ils l'orientent vers notre boutique ou s'ils l'orientent vers le recyclage pour les livres qui ont déjà inondé le marché et qui sont proposés par des tas de sites en nombre trop important. Finalement, voilà, on va les orienter ceux-là plus vers le recyclage. D'accord. Et voilà. En plus aussi, il est bon de noter qu'il n'y a pas que Recyclivre à Strasbourg, il y a également des Recyclivres dans plusieurs endroits en France et même en Espagne. Donc, pour citer quelques villes, donc il y a Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Nantes, donc Strasbourg, Toulouse et même Madrid, du coup. Oui, donc, effectivement, c'est une entreprise qui s'est bien développée depuis quelques années et je pense qu'ils vont continuer comme ça parce que ça a l'air de très très bien fonctionner pour eux. En effet. Et donc l'association Amis d'Épinal, elle ne travaille qu'avec le Recyclivre de Strasbourg, ou est-ce qu'il lui arrive parfois de travailler avec les autres Recyclivres dans ces autres villes ? Non, en fait, nous, notre partenariat, et c'est une logique qui est logistique aussi. On est dans la région Grand Est, donc on va travailler avec le centre le plus proche de nous, et en l'occurrence, c'est Strasbourg. Tout simplement. Voilà. D'ailleurs, justement, ce partenariat, il s'est mis en place car les deux organismes partagent des valeurs communes ou pour d'autres raisons, si ce n'est que tout le monde puisse accéder au livre. Ben effectivement, c'est des valeurs communes. C'est nous, la promotion de la culture, l'accès à la culture, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur chez Ami. On a parmi nos salariés pas mal de salariés qui sont des primo-arrivants, donc qui découvrent la culture française, la langue française. Donc voilà, c'est des valeurs qu'on essaye de transmettre aussi à nos salariés, et puis découvrir tout ce patrimoine et cette richesse culturelle à travers les livres, qu'ils soient d'auteurs français ou autres, c'est important pour nous. Oui, car à Recyclivre, les valeurs qu'ils défendent sont l'écologie, notamment avec, par exemple, réduire au maximum les émissions de CO2, réaliser tous les ans un bilan carbone et compenser toutes leurs émissions en finançant des projets de réduction de CO2 et afin de réduire encore plus leur impact sur l'environnement. C'est en véhicule électrique qu'ils effectuent leur collecte de livres d'occasion depuis février 2010, donc ça fait 11 ans passés. D'ailleurs, ouais, les utilisateurs, ils peuvent même calculer leur bilan carbone sur le site www.goodplanet.org. Effectivement, ils vont vraiment dans le détail à ce niveau-là, puisqu'ils nous communiquent aussi des chiffres par rapport à notre partenariat. Et je vous parlais donc de 16 000, un peu plus de 16 000 livres vendus tout à l'heure. Et bah, ça, c'est équivalent à 124 arbres qui n'auraient pas été coupés pour produire du papier, à presque 5 millions de litres d'eau économisés, à 7 000 kilos de CO2 non rejetés. Voilà, donc c'est... Voilà, c'est un impact environnemental indéniable. Voilà, donc nous, ça nous convient très bien aussi. Et notamment, un Recyclivre, il y a également un esprit vraiment solidaire, parce que Recyclivre reverse directement 10% des revenus nets générés par la vente de livres d'occasion à des associations et des programmes d'action de lutte contre l'illettrisme en faveur de l'accès à la culture pour tous et de la préservation de leurs ressources. Et pour donner un chiffre plutôt... impressionnant. À ce jour, 2,343,631,79 € ont déjà été reversés à leurs partenaires associatifs. Et de plus, en 2015, Recyclivre.com a signé un nouveau partenariat avec l'association Lire et Faire Lire. Ces bénévoles âgés de 50 ans et plus interviennent dans les écoles et autres structures d'accueil d'enfants pour favoriser l'apprentissage de la lecture et stimuler l'envie de lire de la jeune génération. Et on peut retrouver plus d'infos sur le blog de Recyclivre. Donc là, comme nous le disions, on retrouve vraiment les valeurs communes dont nous parlions. Tout à fait, exactement. Et que ça continue, parce que effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'Internet. On parle beaucoup d'Internet, mais Internet, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture, finalement. Il y a beaucoup d'images et de vidéos, mais il y a aussi beaucoup de supports à lire. Donc effectivement, si on est en difficulté avec la lecture... Eh ben, Internet, finalement, ça va être aussi difficile d'accès. Donc, favoriser la lecture pour les jeunes générations et l'envie de lire, c'est un défi que nos générations ont à relever. Voilà. D'accord. Donc, il est 14h59 déjà. Donc, nous allons nous quitter, malheureusement, déjà. Ça passe vraiment rapidement. On aurait pu en dire plus s'il n'y avait pas eu ce problème technique, mais bon, malheureusement, je me dois de respecter les différents horaires. Je n'ai pas vraiment le choix. Bien sûr. Donc, juste pour terminer, y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé, mais qui mériterait absolument de l'être ? Bah, écoutez, non, je pense qu'on a été assez complet. Voilà, je vous remercie de l'invitation. Je remercie Charlie, encore une fois, de nous avoir mis en relation. Et puis j'invite les auditeurs de Radio Guémozo à visiter le site Recyclivre et puis à venir nous rendre visite aussi à Épinal chez Ami. Voilà. Et n'hésitez pas à vous faire connaître. Voilà, on sera un plaisir de vous expliquer ce qu'on fait. D'accord. D'ailleurs, je mettrai le lien du site, enfin du blog de Recyclivre en podcast, en lien avec le podcast de l'émission qui sera sur notre page Facebook sûrement demain dans la journée du coup. Très bien, ben impeccable. Merci beaucoup, Chris. Merci à vous. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie, du coup, une nouvelle fois, Guillaume, d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, avec plaisir. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous reprends au téléphone juste après, hors antenne. Ok. Donc, cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h, avec le podcast, comme je le disais, dans la journée de demain. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai Alain Mistrangelo, un des deux commentateurs français d'une des plus grandes fédérations de catch américain au monde. Donc voilà, ça bougera un petit peu encore plus, c'est très bien. Ici, on est très éclectique. Donc cependant, vous verrez, bien sûr, que Alain Mistrangelo n'est pas que commentateur, mais nous en parlerons demain. Donc soyez au rendez-vous à 14h sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. En attendant, je vous laisse en musique avec Web Web Flip et leur titre Safar Flip, le remix de Flip, du coup, avant de retrouver les Good News de l'IA à 17h30 et avant la rediffusion à 18h de l'édition de Fréquence Libre d'hier dans laquelle je recevais l'artiste Lisbonne. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à demain. Salut et à demain.